Identification. Qui est nuisible pour l'homme, étant donné que lorsqu'il y a identification, les énergies particulières croient qu'elles sont quelque chose. Donc, lorsqu'il y a identification, il y a toujours personnalisation dans un concept. Et lorsqu'une énergie se personnalise, c'est qu'elle ne s'identifie pas. Donc, elle ne se personnalise pas dans une idée, dans un concept qu'elle a d'elle-même. Elle devient ce qu'elle est. Alors donc, il faut bien voir une différence dans le processus de personnalisation qui fait que l'énergie est ce qu'elle est et le processus d'identification dans lequel une énergie s'identifie dans un concept, donc elle croit être ce qu'elle est. Alors, lorsque l'homme s'identifie, il n'est pas. Et lorsque l'homme est personnalisé, il est. Il ne croit pas être personnalisé, il est personnalisé. Ceci pour répondre à la question, quelle est la différence entre l'identification et la personnalisation? Lorsqu'une personne a l'impression de revivre son enfance, ou si par exemple nous la plaçons dans un état d'hypnose et nous lui faisons régurgiter son enfance, il y a dans cette mémoire le passage de chacune des énergies, de chacune des entités qui l'ont possédée. Il y a donc une mémoire qui a enregistré ce passage. Et lorsque l'entité qui vous possède présentement, autrement dit, lorsque vous allez revivre des parties de votre enfance ou vous allez, suite à l'hypnose, revivre presque réellement votre enfance, vous ne faites simplement que parcourir le chemin laissé par les autres. Mais ce n'est pas parce que vous revivez votre enfance que c'est votre enfance que vous revivez. Vous revivez l'enfance du corps habité par une énergie psychologique qui était, à cette époque, une énergie d'enfant, et c'est tout. Sachons simplement que l'énergie qui peut habiter un corps physique est déterminée par les possibilités qu'a le corps physique de la laisser l'habiter. Donc, rarement, nous allons voir un enfant de 3 ans avec une psychologie d'un adulte de 40 ans. Cela se peut. Cela est rare. Existe-t-il, outre le corps, une constante de la succession des possessions? Lorsque je parle de possession, nous devons évidemment faire attention pour ne pas prendre ce mot et l'adapter au concept de possession satanique, luciférienne que nous connaissons au niveau de la spiritualité. Il n'y a pas de constante dans la succession des possessions, parce que dans la réalité réelle, il n'y a pas de possession. Non, ça ne vous arrange pas. Je ne veux pas trop poursuivre sur cette réponse. Je vous suggère, pour bien comprendre cette réponse, de réécouter les deux parties de cette conférence. Il n'y a pas de constance dans la succession des possessions parce que dans la réalité des faits, le temps n'existe pas. Donc, la succession n'existe pas et la constante encore moins. Malgré que vous n'êtes jamais ce que vous êtes et que vous êtes continuellement possédé par une nouvelle énergie qui n'est plus ce que vous étiez, une énergie qui balaye ce que vous étiez pour laisser être ce que vous êtes à l'instant même où elle sera balayée par une autre énergie. Alors, si cela est de votre niveau de comprendre ce processus, c'est bien. Si vous ne pouvez comprendre autrement que dans la succession de ces possessions et dans une constance de succession, alors soit il y a une constante dans la succession des possessions, et cette constante, elle est dans l'intemporalité, disons qu'elle est au millième de seconde. Et même si vous avez l'impression que vous êtes au moins pendant une minute la même personne et que vous changez à chaque minute, cela est faux. parce que les formes et concepts sont habités au même titre que l'humain et indépendamment de lui. Oui, exactement. Le concept ne reste jamais intégral. Étant donné qu'il est assujetti au temps et à l'espace dans lequel il est situé, le concept, les formes, l'idée, tout ce qui est assujetti au temps, tout ce qui est de niveau astral. Donc, il faut bien aussi comprendre que le corps vital est de l'astral, mais il n'a pas d'identification psychologique. Il n'y a pas d'ego dans cet astral vital. Le corps physique est de l'astral, c'est-à-dire que c'est de la mémoire qui subit le processus de la transformation temporelle parce qu'il est matériel. Alors, si nous parlons de l'astral au niveau de la psychologie, les formes et les concepts placés dans cet astral sont continuellement transformés. Donc, jamais l'homme regarde le concept comme il l'a créé et comme il croit être. Le concept que vous avez de votre perfection change selon l'état d'être de celui qui perçoit, donc selon l'état de l'entité qui vous possède. Et donc, il change selon votre changement. Et quelle que soit la mémoire, le concept, la forme, elle est continuellement en changement. Et même si l'homme ne voit pas ce changement, le changement est là. Présentement, nous avons une structure matérielle qui est érodée par l'air, par les matières solides que nous touchons et par une usure normale de nos cellules. Nous ne voyons pas ce changement. Nous pouvons dire, j'ai été jeune, j'ai été adolescent, j'ai eu 20 ans, j'ai maintenant 40 ans, et donc, il y a eu transformation. Mais l'homme ne voit cette transformation que parce qu'il voit ce qu'il a été. Sinon, vous ne voyez pas que vous vous transformez physiquement. Vous voyez que vous avez été différent, mais vous ne voyez pas présentement que vous êtes en train de vous transformer. De même, vous ne voyez pas non plus que vous êtes psychologiquement en train de vous transformer, que psychologiquement, vous êtes réhabité continuellement par des énergies différentes qui ont détruit l'énergie qui était là antérieurement. Le corps physique qui présentement est visible devant moi n'est pas le même corps qui présentement est visible devant moi. Et le corps que vous observez dans un miroir n'est pas le même corps que vous observez dans un miroir. À l'instant où le temps avance d'un millionième d'illusion, il y a eu transformation. Et vous ne pouvez pas le percevoir parce que vous ne connaissez pas la vie, parce que vous vous identifiez à l'image du corps, à l'image d'une continuité temporelle du corps qui est en relation avec le passé et quelquefois projetée dans l'avenir, mais vous ne pouvez pas connaître la transformation du corps, de même, vous ne pouvez pas non plus connaître la transformation de votre psychologie, la transformation du mental, la transformation des connexions supramentales. Vous ne pouvez connaître que le résultat passé de ces transformations. De ce fait, vous connaissez ce qui s'est passé dans votre entité physique et automatiquement, observant ce que vous êtes présentement, vous déclarez que vous avez eu une transformation. Vous en déduisez ceci. Mais vous ne pouvez pas le savoir de par vous-même. Vous êtes obligé de vous référer à ce que votre corps a été. Et ce corps qui a été n'est pas le même corps. Il n'a pas vieilli. Il s'est transformé. C'est-à-dire que chaque parcelle d'éléments de fer qui habite le corps a été jetée à l'extérieur et vous en avez capté d'autres. Et que chaque cellule qui vous habite a été transformée dans son essence atomique, dans son essence minérale, dans son essence globale, pour rester dans la forme la même chose, mais ce n'est pas du tout les mêmes ou la même cellule qui vous habite. Jamais ce corps n'a existé. Il est là présentement et chaque parcelle de ce corps meurt présentement pour laisser une parcelle naissante prendre sa place. Et c'est la même chose au niveau du plan psychologique. Alors, les formes, les concepts, elles sont continuellement transformées parce qu'elles sont assujetties au temps. Il serait également possible d'interpréter la possession comme étant l'énergie réelle de la forme. C'est une question. Serait-il également possible d'interpréter la possession comme étant l'énergie réelle de la forme? L'énergie réelle de la forme ne peut exister que si elle n'existe pas. Ce ne sont pas des jeux de mots. L'énergie réelle de la forme existe qu'à la condition qu'elle soit réelle, donc à la condition qu'elle se transforme, donc à la condition qu'elle disparaisse à l'instant même où elle apparaît, donc à la condition qu'elle n'existe pas. Elle existe. Vous posez des questions extrêmement hautes. Je ne veux pas trop élaborer étant donné que je l'ai faite. Si vous réécoutez les deux parties de cette conférence, vous pourrez facilement comprendre les réponses telles que je les dis. Je ne tiens pas à réélaborer, étant donné que ce ne ferait que perturber simplement l'énergie qui vous habite, et ce ne serait aussi que perturber l'énergie que je tends à émettre. Donc, il serait préférable, pour certaines questions, que vous reveniez en arrière. L'énergie réelle ne peut exister que si elle n'existe pas, comme l'homme va être lorsque l'homme ne sera plus. Je pense, donc je ne suis pas. Je ne pense pas, donc je ne suis pas. Et j'aimerais bien que vous compreniez clairement ce que je viens de dire. Nous devons, à un moment donné, cesser les communications par tant d'explications verbales. Sinon, à quoi sert l'énergie que vous accumulez? Si je pense, je ne suis pas. Et si je ne pense pas, je ne suis pas. Que devrais-je faire? Le refus ou l'acceptation d'une possession est-il sujet au libre-arbitre ou dépendante de la possession actuelle? À chaque millionième de seconde, vous êtes repossédé par une nouvelle entité. Le libre-arbitre de l'homme, c'est de garder l'illusion qu'il n'est pas possédé. Cela ne change rien à l'état de choses. Le libre arbitre de l'homme, c'est de garder l'illusion que son corps reste le même. Dans la réalité des faits, chaque cellule est transformée, chaque minéraux est éjecté et recanalisé par la nourriture. Le corps se transforme continuellement, sinon dans sa forme, dans sa matière, ce qui est formel, et continuellement, le corps est changé. Le libre arbitre de l'homme, c'est d'ignorer ou de voir ce changement. Il en est de même en ce qui concerne le libre arbitre face à la possession énergétique, c'est-à-dire face à votre transformation. Et vous avez le libre arbitre de voir là une évolution, une amélioration de l'ego ou une transformation réelle. Est-ce que le niveau de conscience ou forme de conscience est l'équivalent à la forme d'énergie qui habite l'homme? Habituellement, le concept, comme tout à l'heure j'expliquais, de ce que l'homme devra être, est terni par le concept de ce que l'homme a été. Donc, ce que l'homme exprime, et il exprime normalement son niveau de conscience. Le niveau de conscience de l'homme est l'expression ternie de la rencontre des deux concepts, celui du « sera » et celui du « a été ». C'est là le niveau de conscience de l'homme. Alors donc, il n'est pas l'équivalent de l'énergie globale qui habite l'homme. Parce que l'énergie différenciée qui habite l'homme est pure. Et cette énergie mélangée est colorée, elle est teintée, elle est ternie. Et c'est là l'énergie, le taux de conscience de l'homme. S'il n'y a pas de transformation, c'est qu'il n'y a pas de succession prédéterminée de formes de manifestation humaine, même si l'ego y tient. Il y a transformation, il n'y a pas nécessairement perception de cette transformation, il y a plus possiblement perception illusoire de l'amélioration, étant donné que l'ego ne veut pas se transformer, il tient à s'améliorer. Alors donc, quelle que soit la transformation, quelle que soit la succession, et les successions ne sont pas prédéterminées. Les successions sont relatives à l'énergie qui habite la personne. Et évidemment, l'énergie qui habite la personne, elle est perturbée par l'expérience de la personne. Donc, la personne ne vit pas de possession prédéterminée. Il y a un cadre logique, que nous pouvons dire un cadre de loi, qui prédétermine la vitesse, le genre de possession, mais non pas chaque possession l'une après l'autre. C'est-à-dire qu'une énergie supérieure ne peut venir s'emboutir sur une énergie très inférieure. Donc, évidemment, l'énergie inférieure devra légèrement changer de taux vibratoire, donc accepter, transformer les réceptacles pour qu'une entité supérieure puisse lentement l'habiter. Mais il n'y a pas de processus prédéterminé dans ce phénomène. Peux-tu expliquer lorsque je dis « je parle aussi pour ceux qui ne sont pas ici, mais qui m'entendent » Non. La prochaine fois, vous n'aurez qu'à ne pas être ici et à acheter les cassettes et vous comprendrez ce que je veux dire. La mort de l'homme psychologique s'affirme-t-elle de façon sporadique, temporaire ou permanente? La mort de l'homme psychologique, ça va se faire évidemment à l'insu de l'homme psychologique. Elle peut être radicale, dépendant des possibilités énergétiques du mental, donc de ses possibilités d'entrer en contact avec l'actuel, avec l'énergie supramentale. Normalement, elle sera sporadique, c'est-à-dire qu'elle disparaîtra complètement d'un coup, mais avant sa disparition, elle tentera de se camoufler de plusieurs façons, comme tout à l'heure je l'expliquais, en ce qui concernait la création de l'ego d'un autre chez soi. C'est l'un des mécanismes, disons, de la temporalisation de la disparition de l'ego. La mort de l'homme spirituel s'affirme-t-elle de façon sporadique, temporaire ou permanente? La mort de l'homme spirituel va suivre le même processus que la mort de l'homme psychologique en ce qui concerne sa rapidité ou sa sporadicité. C'est-à-dire que l'homme spirituel, la mort de l'homme spirituel, évidemment, je vous répète que la mort spirituelle n'est pas une mort réelle. C'est une transformation de l'illusion de l'identification psychologique et il n'y a de réalité que dans la mort de l'homme psychologique. Et la mort spirituelle peut se faire par différents cheminements où l'homme refuse la religion, où l'homme croit à sa manière disant qu'il ne croit pas, etc. Où l'homme peut aussi, lors d'un contact illuminatif ou illuminatoire avec une énergie hautement spirituelle, l'homme peut entrer directement en contact et oublier son ego pour accepter l'ego de la religion, l'ego du maître, l'ego de Dieu. Donc, la mort spirituelle, c'est la même chose. Et le fait de redevenir psychologique après avoir été spirituel, ce n'est pas là une mort spirituelle. Quand tu parles de mort, est-ce une énergie qui se transmute? Si oui, est-ce qu'elle est transmutée à quelque chose de plus haut? La mort n'existe pas. La mort, c'est une disparition. Mais étant donné que rien n'a le temps d'exister, rien n'a le temps de mourir. Nous revenons toujours sur ce maudit phénomène du temps psychologique qui nous permet de nous rappeler qu'une chose est passée par là. Donc, de nous rappeler que cette chose ne passe plus. Donc, de dire « elle a été, elle n'est plus ». Si l'homme n'aurait pas de mémoire, il serait drôlement avantagé, parce qu'il n'y aurait pas de mort. La mort n'est pas une transmutation nécessairement. La mort est simplement un état de choses qui est né de la dualité, visionnée par la psychologie identifiée dans les mémoires du passé pour essayer d'entrer en relation avec une entité que l'homme appelle la vie. Lorsqu'une énergie disparaît de la perception de l'homme, il y a mortalité pour l'homme. Mais lorsqu'une énergie n'a plus d'identification, elle est morte pour elle. Et une énergie qui meurt est une énergie qui perd son identification. Elle n'est pas nécessairement transmutée. Il y a transformation. Et ce n'est pas nécessairement une transformation plus haute ou plus basse. La mort, c'est la perte de l'identification. Lorsque vous ne savez pas que vous vivez, vous ne vivez pas. Vous êtes mort. Cela n'empêche pas un processus respiratoire de fonctionner. Cela n'empêche pas votre corps de continuer à opérer. Cela ne vous empêche pas de continuer à aimer ou à souffrir. Cela n'empêche rien. Mais dans la réalité immédiate du fait, vous n'êtes pas vivant. Vous êtes mort. Et lorsque l'homme quittera l'échange entre la vie et la mort, il n'existera plus. Il ne sera pas mort. Il n'existera plus. Et lorsque l'homme n'existera plus, il existera. J'ai déjà dit qu'à un moment donné, vous devriez commencer à réfléchir. C'est le temps. Je comprends assez bien la matérialité de l'astral dans la mémoire humaine et animale, ainsi que sur les supports physiques. Pourrais-tu m'expliquer la matérialité de l'astral ailleurs, comme par exemple l'air, les annales akashiques, etc.? L'astral, c'est une mémoire. Dans la mémoire, il y a la forme. Les annales akashiques sont des annales, c'est-à-dire que cela représenterait une mémoire non colorée des événements qui ont été incrustés par le passage de l'évolution de la planète. Je dis bien non colorées parce qu'elles ont été enregistrées sans émotion. Et normalement, les annales akashiques, selon la réalité, disons, dans leur intrinsèquité, seront reliées à la mémoire mentale. C'est-à-dire qu'elles ont enregistré un événement sans enregistrer l'émotion reliée à l'événement. Donc, si une guerre est enregistrée dans le plan de l'astral, sans l'émotion relié à la guerre, donc à ceux qui meurent, à ceux qui souffrent, à ceux qui se haïssent, à ceux qui s'aiment, cela fait partie de ce que, ésotériquement, nous appelons les annales akashiques. Sinon, cela va faire partie de la brume astrale, qui n'est pas de la mémoire mentale, qui est de la mémoire, disons, entourée par l'émotion reliée à l'enregistrement de l'événement. Alors donc, chaque fois que nous avons une forme, et qu'est-ce qu'une forme? Une forme, c'est une mémoire, c'est une forme, c'est une énergie qui a une apparence qui nous permet de la reconnaître. Et là, c'est une forme. Si je parle énergétiquement de quelque chose, je veux transmettre de l'énergie magnétique, ce symbole est une forme parce qu'il explique, il permet à l'homme d'entrer en contact avec ce que je veux émettre. L'énergie qui est émise n'a pas de forme pour l'homme parce qu'il ne peut la percevoir. Si je lui mets ma main sur la sienne, il y aura une forme parce qu'il pourra percevoir certaines choses. La forme, elle apparaît lorsqu'une entité, disons, lorsque l'homme peut percevoir. Et lorsque l'homme peut entrer en contact avec cette énergie non formelle, elle est formelle. Il y a donc une forme. Ce qui s'est passé dans le passé, sans forme, n'existe pas. Donc, la forme, dans l'astral, disons au niveau des annales akashiques, elle existe parce que l'homme qui s'y réfère peut voir quelque chose, donc cela a une correspondance avec ce qui l'habite. Donc, il y a donc évidemment une forme. La parole est une forme parce qu'elle permet de prendre une énergie et de faire en sorte qu'un autre individu puisse gober, c'est-à-dire puisse entrer en contact, puisse comprendre l'énergie. Donc, la forme permet à l'individu de découvrir l'énergie qui a créé la forme. Évidemment, dans la forme, il n'y a jamais l'énergie créatrice, il n'y a que l'énergie créée, il n'y a que la forme, qui est une interprétation la plus prête possible de l'énergie qui l'a créée. Je ne veux pas trop répondre à la question, pas pousser trop loin, étant donné que, disons, dans plusieurs conférences du vendredi, on a souvent élaboré ce genre de phénomène astral, et je crois que si la personne se repose la question en écoutant ses cassettes, qu'elle a déjà sa possession, elle pourra facilement avoir les réponses. Sinon, qu'elle se les pose à haute voix et qu'elle essaie elle-même d'y répondre, elle finira elle-même par comprendre. La réincarnation n'existe pas, explique. Qu'est-ce que je devrais expliquer? Le processus qui amène l'homme à entrevoir le concept de la réincarnation et qui lui fait poser une question comme celle-ci? Ou développer un autre concept pour essayer d'expliquer que la réincarnation n'existe pas? Alors donc, on a deux questions dans cette question. Pourquoi la réincarnation existerait-elle? La réincarnation, elle existe. Mais elle n'existe pas. C'est amusant de voir que lorsque nous adressons à l'homme psychologique, à celui qui tend à vivre, à celui qui tient à vivre, à celui qui a sa mémoire de vécu, nous pouvons répondre à la réincarnation existe. Et lorsque nous nous adressons à l'énergie mentale ou lorsque nous exprimons, disons, une réalité, la réincarnation n'existe pas. Pourquoi la réincarnation existerait-elle? Parce qu'il y a mortalité. Pourquoi y a-t-il mortalité? Parce qu'il y a la vie et disparition de celle-ci. Pourquoi y a-t-il la vie et disparition de celle-ci? Parce qu'il y a mémorisation de la vie. Parce que nous savons qu'il y a eu et nous percevons qu'il n'y a pas. Comparant ces deux perceptions, nous déclarons qu'elle est morte. Elle est disparue. Va-t-elle revenir? Et si elle revient, de quelle façon va-t-elle revenir? Nous accréditons le concept de la réincarnation après avoir refusé le concept du paradis, de l'Éden. C'est la même chose. Le fait que l'homme... Comment pouvons-nous parler de réincarnation si en même temps nous accréditons le fait que l'homme est immortel? Alors, nous voulons dire que l'homme est immortel et qu'il revient dans un corps mortel de temps en temps. L'homme, ce n'est pas autre chose que le corps et les énergies qui l'habitent. Si l'homme est immortel, le corps se doit d'être immortel. Et le corps se transforme, il ne meurt pas. Et parce que l'homme voit dans la transformation est comprise une mortalité, parce que dans cette mortalité, il y a la disparition de la tâche identificatrice dans laquelle il pouvait, disons, se voir, l'homme espère donc qu'à un moment donné, ce corps ou un autre corps reviendra et que lui pourra poursuivre cette identification à la vie à l'intérieur d'un corps dans lequel il pourra accumuler de nouvelles expériences qui pourront lui dire « j'ai vécu, donc je vis ». Mais l'homme ne saura pas plus qu'il vit, il saura qu'il a vécu. Et il interprétera cette chose en disant, je vis. Je vis parce que je pense. Donc, je vis parce que je me souviens. C'est tout. L'homme ne peut pas percevoir la vie autrement que parce qu'il se souvient. Je pense, donc je suis. Cela veut dire, je me souviens, donc je suis. Si on n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'évolution. Il y a transformation. Il y a possession. Mais il n'y a pas d'amélioration. Vous exprimez dans la réalité un état de choses. Vous n'exprimez pas une amélioration. Vous exprimez que vous êtes bien ou vous exprimez que vous êtes mal. Vous n'exprimez pas un changement entre les deux. Vous exprimez un état de choses. Et dans la disparition de l'entité physique, il y a expression d'un état de choses. Il n'y a pas de mort ou de vie. Il n'y a pas de temps. Il y a le temps parce que l'homme se souvient, c'est-à-dire que l'homme a comme idéologie illusoire que parce qu'il se rappelle dans l'actuel des choses qui sont dans l'actuel, dans un autre état vibratoire que dans l'état matériel, et que l'homme appelle le passé, l'homme prend conscience de ce qu'il appelle le temps. Mais il n'y a pas plus de temps. Il n'y a pas de réincarnation. Il y a transformation. Il y a, nous pouvons dire, réincarnation lorsque nous nous adressons à l'homme qui a besoin de cette identification. J'ai déjà expliqué longuement lors d'une conférence la réincarnation, les différents processus de différentes formes de réincarnation. Et j'ai été à cette conférence extrêmement diplomate pour expliquer à l'homme que lorsque son corps apparaissait, lorsque le corps apparaissait, différentes formes d'énergie, de personnalités différentes, pouvaient venir se fusionner ou pouvaient venir se rassembler selon leur appel vibratoire et se réincarner ensemble dans ce corps. Et j'ai appelé ce processus réincarnation pluralitaire. Et le premier processus de l'homme lors de son évolution ou en réalité de sa transformation était l'acceptation de ses personnalités réincarnatives de façon à en faire une fusion, de façon à devenir une nouvelle personnalité qui ne serait plus assujettie à des hautes d'humeur et des basses humeurs, à des idées et à des illusions, à plusieurs expressions divergentes et différentes, comme si elle était habitée par plusieurs formes d'énergie, ce qui est le cas. Mais l'ego de la personne qui meurt régulièrement chez vous, de toute façon, depuis que nous sommes en train de communiquer, vous êtes mort souvent, et vous êtes venu au monde souvent dans votre psychologie. Et lorsque ces énergies qui viennent se réincarner, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont simplement le rassemblement vibratoire d'énergies similaires qui sont attirées par une possibilité expressive d'un corps. Et si le corps a la possibilité matérielle et vibratoire vitale d'exprimer une énergie psychologique X, il l'exprimera. Sinon, il n'y aura pas réincarnation de ce schéma global d'énergie vibratoire. Mais qu'est-ce que devient l'homme psychologique à la mort? Il disparaît. Et qu'est-ce que devient l'homme psychologique lorsqu'il vit? Ben, il disparaît aussi. Sauf qu'il garde l'identité de ce qu'il a vécu, donc il croit qu'il continue à vivre. Mais il ne continue pas à vivre, il ne vit pas. Et ce n'est pas parce que le corps physique est transformé, meurt, que l'homme meurt. L'homme ne vit pas. L'homme a l'impression qu'il vit, l'homme s'identifie dans ce qu'il a été. Et parce que l'homme se souvient, l'homme dit « je vis ». Et l'homme arrive même à se souvenir de l'avenir. La réincarnation n'existe pas. Parce que la mortalité n'existe pas, parce que la vie n'existe pas. Lorsque nous disons que l'homme est immortel, nous ne voulons pas dire qu'il va vivre éternellement. L'homme est apparu dans la vie. Il est donc immortel seulement dans un sens, si l'homme doit vivre éternellement. Parce qu'il y a eu un temps où l'homme ne vivait pas. L'homme existait. Mais pas l'homme que nous connaissons. L'énergie existait. Elle était. Elle ne vivait pas. Et lorsqu'elle a commencé à vivre, elle a commencé à être assujettie à la mort. C'est-à-dire que lorsqu'elle a eu conscience d'un état, d'une dualité, d'une polarité, d'un état de choses, elle a automatiquement vu l'antagonisme. De ce fait, nous croyons à la réincarnation. Et de ce fait, nous croyons à la mort. Vous vous réincarnez présentement à chaque millionième de millième de temps. C'est-à-dire que vous êtes différent. Et lorsque l'entité physique disparaît, ce n'est pas parce que nous aurons un autre corps physique que vous, tel que vous êtes, avec l'identification à votre passé tel que vous l'avez, vous allez revenir dans ce corps. Si cela était vrai, vous pourriez me parler immédiatement de ce que vous avez fait dans votre autre vie. Vous ne vous en rappelez pas. Quand je dis que l'homme disparaît régulièrement, que l'homme meurt, que vous allez carrément être désintégré, dilapidé au plus... éparpillé au plus profond de l'univers à votre mort, vous allez simplement poursuivre ce que vous faites présentement. Et présentement, vous êtes dilapidé au fin fond de l'univers. Continuellement. Disons que l'univers se résume à notre univers planétaire. Mais cet état de choses se continue. Où il est l'enfant que vous étiez? Il est mort. Où il est l'adolescent que vous avez été? Il est mort. Vous ne pouvez percevoir que la trace laissée par cette énergie dans votre carcan mémoriel. Et lorsque vous voulez vous réincarner, vous voulez que ce carcan vous suive. Que tous ces misères et ces problèmes vous suivent pour que vous puissiez continuer à dire « J'ai été, donc je suis. » Mais où il est cet enfant que vous avez tué parce que vous êtes devenu adulte? Et où il est celui qui ne comprend pas lorsque vous comprenez? Vous l'avez tué. Vous comprenez, vous avez tué celui qui ne comprenait pas. Et dans le processus de réincarnation, c'est les mêmes lois qui s'appliquent. Vous êtes en transformation et non pas en amélioration. La réincarnation n'existe pas parce qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Les processus de la réincarnation tels que l'ego le conçoit et tels que je l'ai expliqué lors de la conférence La réincarnation étaient adaptés à la psychologie qui tentait de se conscientiser. Et ce que je vous dis aujourd'hui est encore adapté à la psychologie qui tente de comprendre. Mais évidemment, il y a beaucoup plus d'éléments qui pourront permettre au mental de percevoir. Cela n'est pas épeurant, parce que si ce que je dis est faux, cela ne changera rien dans la réalité. Et si ce que je dis est vrai, c'est toujours cela qui s'est passé. Donc, vous êtes ce que vous êtes malgré que cela s'est passé à votre insu. Donc, cela ne change rien non plus dans la réalité. Je vous dis ceci pour que vous ne développiez pas une peur, une incertitude stupide du fait que l'homme ne se réincarne pas, du fait que l'homme n'existe pas. Alors, que vous compreniez ou pas, cela ne change rien à ce que vous êtes. Vous êtes ici. Donc, cela ne change rien. Et il y a le reste de l'humanité qui sont régis par les mêmes lois et qui ne le savent pas. Alors, cela ne change rien. Et si j'ai tort, cela ne change rien non plus. Il ne faut pas être insécure, être incertain, avoir peur ou quoi que ce soit. Cela ne change rien. Tu as mentionné que les gens qui ont des migraines ont une psychologie particulière. Peux-tu élaborer? J'élaborerai sur ce sujet lorsque nous aborderons une conférence qui s'intitule « Les thérapies intelligentes ». Étant donné que nous n'aurons pas le temps de répondre aux autres questions sur ce sujet. Alors, la personne, elle était sans doute à la conférence d'hier où j'ai répondu quand même relativement suffisamment pour l'instant et dans l'attente de cette prochaine conférence, je préfère ne pas répondre. Présentement, qu'est-ce que je fais? Je crée des formes. Parce que toutes les questions que j'ai passées sont des questions que j'ai répondues. Si je pose une question, c'est que c'est encore mon ego qui veut savoir, mais si l'entité qui me possède présentement sait ce qu'il a à vivre, à expérimenter, il ne devrait pas y avoir comme tel de questions à poser. Sachons bien immédiatement que le phénomène de la question et le phénomène de la réponse sont une forme d'énergie qui habite la personne, mais qui n'est pas conscientisée, c'est-à-dire qui n'apparaît pas intégralement dans la conscience immédiate de l'homme. Cela veut dire que lorsqu'une énergie vous habite, et que vous avez dans votre conscience une parcelle de cette énergie qui peut être conscientisée, c'est-à-dire exprimée de façon à entrer en relation avec l'ego ou le mental, vous n'avez connaissance que d'une parcelle de cette énergie qui peut être une réponse ou une question. Normalement, c'est une question parce que vous ne voyez pas tout l'ensemble. Et lorsque nous disons que lorsqu'une personne pose une question, c'est qu'elle a l'énergie suffisante pour avoir la réponse. Parce que dans la réalité des faits, la question n'existe pas. La réponse non plus. C'est une expression énergétique que nous pouvons appeler compréhension, et lorsque la personne n'a pas la compréhension globale de cette énergie qui la traverse, elle en a une partie, donc elle pose une question. C'est-à-dire qu'elle essaie d'attirer à elle le reste de l'énergie. Mais la personne ne pose pas de questions. C'est-à-dire que la question n'existe pas. Lorsque je vous dis « posez la question » et tentez d'y répondre, si la question existerait, si vous pourriez poser une question parce que vous ignorez le reste, je ne pourrais pas vous suggérer d'y répondre. Vous ne pourriez pas y répondre. Et comment, moi, pourrais-je répondre à vos questions? Comment, moi, pourrais-je évoluer? Comment, moi, pourrais-je me transformer en montant, en ascension, si je devrais poser des questions? Si je pose la question et que je n'ai pas l'énergie pour y répondre, là, c'est une question. Mais si je pose la question, je n'aurai jamais la réponse. Parce que si tu as la réponse, c'est que tu t'es déjà posé la question. Mais si tu t'es déjà posé la question, tu n'as pas pu avoir la réponse. Les questions, ça n'existe pas. Les réponses, ça n'existe pas. Les questions et les réponses sont simplement une perception d'une parcelle, d'une quantité d'énergie qui arrive à la conscience de l'homme et l'homme l'exprime. Et l'homme l'exprime et il appelle cela une question, c'est-à-dire qu'il se pose une question. Mais la valeur réelle de ce qu'est la question pour la psychologie humaine, ça n'existe pas, c'est une illusion. C'est pourquoi vous pouvez poser des questions et répondre à vos questions. Et là, vous allez découvrir qui vous êtes. C'est-à-dire que vous allez être capable de répondre. Vous ne serez pas assujetti à la phase masturbatrice de la personne qui s'évertue à suivre quelqu'un qui va répondre pour lui. Et elle aime ça. Poser des questions. Vous posez des questions présentement et j'y réponds. Mais j'y réponds étant donné que je sais que vous êtes capable de comprendre. Et pourquoi êtes-vous capable de comprendre? Parce que vous avez l'énergie de poser la question, donc vous avez aussi la réponse. Et ce processus, nous l'acceptons présentement, étant donné que l'homme entrevoit toujours la question parce qu'il entrevoit qu'il est le vermisseau qui n'a que la capacité de poser la question et jamais de poser la réponse. Donc, posez-en des questions, mais essayez d'y répondre aussi. Lorsque nous posons une question, est-ce que c'est l'ego qui veut savoir? Lorsque nous posons une question, c'est l'ego qui entrevoit une parcelle et qui cherche à entrevoir le reste. Est-ce que c'est important d'entrevoir le reste? Pas nécessairement. Mais si l'entité qui me possède présentement sait qu'il y a... Regardons bien ceci. Mais si l'entité qui me possède présentement... Si je me pose une question... Alors, si l'entité qui le possède présentement me demande si elle-même qui se possède présentement sait ce qu'il y a là à vivre, à expérimenter, parce que si l'entité qui me possède présentement est moi, il n'y a pas d'entité qui me possède, il n'y a que moi qui moi-même. Faites très attention, parce que ce n'est pas parce que nous transformons le mot « entité »,« possession » par le mot « ego », par le mot « je »,« me » que nous réglons le problème. La personne ne sait pas ce qu'elle a à vivre. Elle vit. Et elle meurt. La personne ne sait pas ce qu'elle a à expérimenter. Elle expérimente. Savoir ce que nous avons à expérimenter nous exclut de l'expérimentation. On n'a plus besoin d'expérimenter lorsque nous connaissons ce que nous avons expérimenté. Si vous dites « je veux expérimenter le fait de souffrir », c'est parce que vous ne savez pas ce qu'est la souffrance et vous ne connaissez pas ce que vous voulez expérimenter. Mais si vous avez une connaissance de ce que vous voulez expérimenter, vous n'avez pas besoin d'expérimenter. Donc, l'expérimentation disparaît. La personne ne sait pas ce qu'elle a expérimenté, c'est pourquoi elle expérimente. Elle a le concept de quelque chose, parce qu'elle est dans le schéma de l'évolution, dans le schéma de plusieurs mécanismes qui poussent la personne à vouloir se créer un cadre. Mais la personne, vous ne savez pas ce que vous avez expérimenté. Vous expérimentez pour savoir si ce que vous pensiez que vous aviez expérimenté, c'est ce que vous avez expérimenté. Mais vous n'expérimentez pas parce que vous savez ce que vous avez expérimenté. C'est pour vérifier l'état de réalité de votre perception. Je veux expérimenter l'initiation et si ça marche, bien, je saurai que je... Bon, mais vous ne le savez pas. Vous expérimentez parce que vous ignorez ce que vous avez expérimenté. Et c'est pour pouvoir confirmer votre certitude dans l'expérimentation que vous expérimentez pour pouvoir fleurir votre ego. L'expérimentation, vous en faites de deux façons. Parce que vous la voulez, parce qu'elle vous est amenée. Donc, l'entité, vous autres, vous ne savez pas ce que vous avez à expérimenter. Et vous ne posez pas de questions, vous avez des énergies. Pourquoi fait-il soleil? Tu as l'énergie de découvrir qu'il fait soleil. Tu as l'énergie d'expliquer pourquoi il fait soleil. Oh, mais ce ne sera pas nécessairement la très, très, très, très, très bonne réponse. Mais la question n'est pas non plus la bonne question. Tu auras la réponse qui va avec l'énergie de la question, parce que la question et la réponse sont la même chose, ils n'existent pas. Posez-moi une question présentement que vous n'avez pas à répondre. Une question que vous n'avez même pas l'énergie de poser la question. Vous ne pourrez pas. Et si vous avez l'énergie de poser la question, c'est que vous avez l'énergie d'être dans un état où vous percevez la chose. Et vous demandez pourquoi la chose. La percevant, observez-la, vous aurez la réponse. La question réelle de pourquoi, parce que je ne sais pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On nous donne un nom à la naissance. Quel rapport a ce nom avec toutes les énergies nouvelles qui nous possèdent au temps présent? Et cela se fait car le nom présentement personnifie davantage l'ego. C'est le corps qui porte le nom, ou quoi? Le nom que l'on vous donne à la naissance est un nom qui tend à attirer une protection égrégorienne astrale sur vous, c'est-à-dire qu'il vous manipule. On vous donne un nom pour vous désigner et normalement on donne un nom en relation avec les mémoires de personnes disparues ou avec un événement particulier pour se rappeler. Donc le nom est automatiquement relié à un égrégore et selon le nom que vous allez porter, vous aurez à suivre les perturbations reliées à l'égrégore de ce nom. Mais nous devons faire attention à la prononciation du nom, en plus du nom. Nous devons faire attention à la progression évolutive de ce nom. Nous devons faire attention à plusieurs choses. Et les personnalités, disons, ce que vous êtes égoïquement, n'est pas ce que vous avez été, malgré que le nom est resté le même. Parce que le nom détermine certaines affinités, parce que la prononciation du nom détermine certaines affinités avec l'égrégore de ce nom. Et cela n'empêche pas, mais cela n'empêche pas du tout, les énergies qui vous habitent, c'est-à-dire votre ego, de se transformer. Mais il restera en relation avec les probabilités ou les possibilités laissées par, premièrement, le corps physique, deuxièmement, l'entourage qui prononce le nom, et troisièmement, l'égrégore du nom. Mais l'homme se transforme sans cesse. Le nom se transforme sans cesse. On ne prononce pas le nom de la même façon. Et l'énergie reliée au nom change continuellement, même si elle reste dans la même lignée. Ce qui fait que le fait de prononcer votre nom différemment transforme quelque chose. Le fait que vous-même, vous parliez en prononçant votre nom transforme quelque chose. Et le fait de changer une lettre, le fait de changer le temps de prononciation, le fait de changer de nom change énormément de choses. Mais ce n'est pas parce que nous changeons de nom que nous changeons tout. Nous ne faisons que changer le cadre grégorien qui vient nous perturber un peu. Si un jour je décide que je m'appelle Philippe, qu'est-ce que je suis? Un roi? Philippe de Macédoine? Ou si je suis l'un des esclaves de Néron? Le fait de changer de nom change des choses. Mais le fait de changer de nom ne change rien au processus de transformation égoïque qui se fait régulièrement. Il est bon de connaître son nom. Il est bon de connaître ce qu'il signifie au niveau des égrégores. Qu'est-ce qu'il émet comme onde de forme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il attire? Quelle tradition il a? Quelle consonance vibratoire il a? Et le fait de changer de nom a un rapport. Mais lorsque nous changeons de nom égoïquement, nous conservons quand même des fallacieuses tendances à être assujettis à des mécanismes grégoriens reliés au nom. Alors, ce n'est pas parce que je dis Béatrice que le corps physique de Béatrice cesse de se transformer. Le corps physique de Béatrice à 5 ans est mort à 5 ans et un jour. Et il est mort à 5 ans et 2 jours. Et le corps de Béatrice adulte n'est pas la Béatrice enfant. Et la psychologie du Béatrice adulte n'est pas la psychologie de la Béatrice enfant. Mais il y a une connotation qui réglera un peu son cheminement. Il fut un temps où, à Sainte-Justine, j'ai pu me rendre compte que j'avais 6 patients qui avaient des fractures de la jambe droite, et là-dessus, 4 s'appelaient Sylvain. Et j'ai pu découvrir à cette époque qu'effectivement, selon le nombre de pathologies et de blessures, surtout de blessures, qu'on avait eu un rapport entre les noms. Mais on avait quand même des Daniel, des Pierre qui avaient une fracture de la jambe droite. On avait par contre un laps de temps où j'avais plus de Sylvain qui avait eu à peu près le même accident. Mais la psychologie change régulièrement parce qu'il y a la prononciation du nom, il y a la fréquence de prononciation, il y a la fréquence où vous écrivez votre nom, il y a tellement de mécanismes qui vous êtes assujetti légèrement à votre nom autant que votre nom est assujetti par votre psychologie. Donc, elle se transforme, elle aussi, au fur et à mesure que le temps passe. En fin de compte, évoluer ou mourir instantanément pour connaître et ainsi de suite, pour renaître et ainsi de suite, ce n'est que deux conceptions plus ou moins structurées qui ne veulent rien dire. L'homme n'a qu'à exprimer ce qu'il a à exprimer. Cependant, cette expression est modulée par cet ensemble de concepts. SVP commenter. D'ailleurs, je ne peux pas commenter l'idée de la personne qui pose la question. Cela est évident. Évoluer ou mourir instantanément pour renaître et ainsi de suite, ce n'est que deux conceptions plus ou moins structurées qui ne veulent rien dire. Cela est faux. Elles veulent dire énormément. C'est exactement comme si qui ne veut rien dire ne veut rien dire. Mais qui ne veut rien dire veut dire quelque chose. Sinon, on n'emploierait pas des termes qui ne veulent rien dire. Alors, ce n'est pas parce qu'une personne voit dans un mécanisme, une relation qui tend à faire en sorte que les deux mécanismes qui paraissent séparés sont la même chose, que le fait d'expliquer les deux ne veut rien dire. Cela veut dire énormément. Un jour, cela ne voudra rien dire. C'est-à-dire que cela ne dira plus rien. Mais si on me demande de commenter, c'est que cela veut dire. Et si la personne s'attache au mot sur mot, à la forme du mot, sans voir la différence qui existe sous la forme du mot, cela ne veut rien dire. C'est comme de dire, présentement, je crois que je suis ici, mais en fin de compte, peut-être que je ne suis même pas là. Je pense que je pense que je me touche, mais je me touche peut-être même pas. Ben, cela ne veut rien dire, effectivement. On peut spéculer longtemps dans ces mots. Mais il y a une maudite différence entre celui qui dit « Je crois que je vis, mais je perçois dans le temps ma vie, donc je ne perçois pas la vie. » C'est différent, maudit, de dire « Je pense que je me touche, mais je me touche peut-être même pas. » La personne qui fait semblant d'être heureuse, la personne qui est heureuse, ah, il y a une bonne différence entre un puis l'autre. Même si, à un état de conscience, on peut dire que c'est la même chose. Mais cela ne veut pas rien dire d'expliquer les deux états. Cela veut dire beaucoup. Le fait de découvrir que le concept existe ne devrait pas nous forcer à tout conceptualiser, c'est-à-dire à dire « Oh, c'est rien qu'un concept. » Ça, c'est un concept de penser que tout est rien qu'un concept. C'est évident que nous sommes dans un monde de forme, mais il y a de l'intelligence dans la forme. Il y a l'intelligence de se servir de la forme. Alors, le fait de dire « j'évolue, donc je m'améliore », et le fait de dire « je meurs et je ne m'améliore pas et je nais », c'est totalement différent. Cela ne veut pas dire la même chose du tout. Et si la personne dit « de toute façon, que je comprenne ou non, ça ne change rien », là, c'est vrai. Et cela ne veut rien dire pour une personne qui ne peut pas comprendre. Mais la personne qui croit comprendre que nous exprimons la même chose, de toute façon, on est manipulé. Tu me dises que ce soit par Dieu ou par le diable, ça ne change rien, c'est la même maudite affaire. Non, c'est une façon très amusante de jouer avec les mots sans jouer avec l'énergie. Et il y a une maudite différence entre jouer avec les mots et avec l'énergie, puis jouer avec les mots sans jouer avec l'énergie. Chaque mot ne veut rien dire. Il ne veut dire que l'énergie qu'il essaie de transmettre. Il ne veut rien dire d'autre. Un mot ne veut rien dire. Il ne dit que ce que l'énergie qu'il a créée veut transmettre, perçu par la coloration de l'interprétation de ce mot dans l'énergie qu'il doit l'interpréter. Le fait d'évoluer relate le fait que l'homme est existentiel, relate le fait que l'homme existe, que l'homme vit, et que l'homme est là. Et qu'au fur et à mesure que l'évolution va progresser, l'homme va se transformer et il existe dans l'identification. Je pense, donc je suis. Et le fait de dire que l'homme n'évolue pas, l'homme ne peut pas s'améliorer parce que l'homme n'existe plus lorsque l'homme a une transformation. C'est un autre homme qui est là. Cela pourrait être perçu et compris dénote l'abandon de l'ego à la tâche de l'identification. L'ego se fout de ne plus exister. Il n'y a plus d'orgueil. Il y a facilité. Et c'est sûr que si nous comprenons les deux mécanismes de façon intellectuelle en disant que de toute manière, on ne peut pas rien échanger, cela ne veut rien dire. Qu'est-ce qui veut dire quelque chose?